Autant ce matin, après m'être enfargé sur un document, j'étais inquiet, ulcéré, de savoir qu'au journal Le Soleil, non seulement on m'avait peut-être menti le printemps dernier en me disant que tout allait bien par rapport au journal de Québec, alors qu'en fait, à l'interne, on échange de la correspondance qui indique que c'est le désastre total dans la concurrence. Autant, moi, j'étais content aujourd'hui de montrer pourquoi j'aime lire Le Soleil, quand une fois de temps en temps, ils arrêtent d'être l'organe officiel de Jean-Paul Lallier et de ses petits amis, et qui commencent à essayer de jouer aux journalistes. Un papier d'Éric Moreau. Pas de vacances pour les petits. Des bambins qui travaillent, entre guillemets, 52 semaines par année au CPE, le Centre de la Petite Enfance. C'est un nom poli pour désigner un orphelinat de jour. Il parle d'un petit enfant de 3 ans qui prend jamais de vacances. 52 semaines par année à l'orphelinat. Même si les parents sont en vacances, les petits sont envoyés 5 jours par semaine. Soupire une éducatrice. D'abord, rien que de l'appeler une éducatrice, c'est fort. C'était probablement, il y a 3 ans, une BS. Mais comme la CSN avait besoin de cadres, Pauline Marois leur a donné nos enfants. Après avoir empêché les maternelles à temps partiel dans les écoles, ça a permis la création de ces centres où on concentre nos enfants pour les éduquer à notre place pendant qu'on va travailler. Mais ce qui est intéressant dans l'article du Soleil, c'est qu'on nous démontre que les enfants disparaissent à l'année longue chez les orphelinats de jour. Vous savez, moi, les Québécois, ils me fascinent. C'est un peuple de moutons, c'est un peuple de veaux, c'est un peuple sans dignité, les Québécois. C'est des gens soumis, c'est des racs à vélo, c'est des gens qui sont toujours en train de penser que quelqu'un d'autre en sait plus qu'eux sur quelque chose. Donc, ils se soumettent sans arrêt, passent leur temps à se soumettre. Prenez par exemple, monsieur et madame Québécois typiques, 35 ans, pas d'enfants, chacun a sa job, et ils décident, l'horloge biologique, le whippet, la fille veut lui dire, « Bon, mais là, ça me prend des enfants pour être une vraie femme. » Le gars dit, « Sacrement, c'est mon tour. » « Oui, chérie, on va faire des enfants. » Le gars est trop têteux pour dire non. « On va se reproduire. On se regarde dans le miroir, là, nous autres, là. Puis on se trouve tellement adéquat, tellement bon, que ce serait priver l'humanité de pas se reproduire, moi pis Nanette. » Le gars, il est trop chien pour aller chez l'urologue puis se faire interrompre le canal famille sans le dire, puis dire « Oui, oui, chérie, on va se faire un enfant. » Dommage, ça arrive pas. Trop chien pour faire ça, trop peureux, trop soumis, trop enjuponné. Il fera pas. Donc, il y a le choix de deux choses. Prier le ciel que sa femme ne tombe pas enceinte, puis prier le ciel que si elle tombe enceinte, il va être bon pour s'en sortir pareil. Puis le voilà père de famille. Mais il se dit, quand l'enfant arrive, ouais, on a un problème. Nos deux salaires sont nécessaires pour vivre. Si tu restes à la maison pour faire l'enfant que tu voulais faire pour être une vraie femme, on n'aura pas les moyens de maintenir notre train de vie, les paiements sur la maison, les voyages à Cuba. Tu sais, toutes les niaiseries que les Québécois font, ça coûte très cher. Les deux, le gars et la fille, ils font des calculs puis ils disent, nous autres, on veut des enfants, mais on n'a pas les moyens de s'en occuper. Si je dis à ma femme, d'ici à ce que l'enfant aille à l'école, tu restes à la maison, puis tu t'en occupes, tu te prives de ton salaire, on n'arrivera pas. On va être obligé d'avoir juste un char, on n'aura plus un moyen d'aller à Cuba, on va perdre tous nos petits avantages qu'on a avec nos deux jobs. Il se rend pas compte, les crétins de Québécois, que s'ils payaient moins d'impôts, chacun de leur bord, un salaire suffirait probablement pour traverser les 4-5 ans que ça prend pour partir un enfant comme du monde. Ça coûte cher aller travailler, mais ça coûte surtout cher en impôts. Il est trop chien, le Québécois, pour se rendre compte que si lui, avec sa job, ou elle, avec sa job, payait le même impôt qu'avec la même job aux États-Unis, il y en a un des deux qui pourrait arrêter de travailler facilement pendant 5 ans, pour s'occuper des enfants. Fait, parce que s'il se rendait compte de ça, il prendrait un fusil, puis il irait avertir le gouvernement que c'est assez. Il n'y a pas d'affaire à payer l'impôt au point que ça le rend inapte à devenir un parent. Mais le Québécois, c'est un chien, c'est un peureux, c'est un veau, c'est un rac à vélo. Au lieu de se révolter contre le gouvernement qui taxe pour donner de l'argent à des BS puis à des artistes, il se soumet. Il dit, OK, vous rendez-vous compte, là? Étant donné qu'ils payent beaucoup d'impôts, ils sont obligés de travailler à deux. Étant donné que s'ils payaient le même impôt qu'aux États-Unis, ils pourraient travailler juste un pendant un bon bout de temps pendant qu'elle s'occupe des enfants, au lieu de se révolter puis d'obliger le gouvernement à changer ça, ils s'adaptent au gouvernement. Ils font un enfant, puis ils sont pas capables de s'en occuper. Ils se trouvent une garderie où l'enfant est inscrit probablement avant sa naissance. Ce qui est effectivement, on appelle ça un centre de la petite enfance, c'est même pas une garderie. Une garderie, c'est un endroit où tu vas cogner à la porte, tu dis, je dois aller chez le médecin, pouvez-vous garder mon enfant pendant 4 heures? Puis dans ce temps-là, les grands-parents font très bien l'affaire. Non, c'est un orphelinat qui a... Pourquoi? Parce que l'enfant dont elle avait besoin, la gougoune, pour se sentir une vraie femme, elle pourra pas s'en occuper. Ils vont se lever le matin, ils vont remplir l'enfant de nourriture, ils vont l'habiller, ils vont aller le porter à l'orphelinat. Ils vont aller travailler chacun de leur bord, ils vont aller dîner chacun de leur bord, ils vont aller travailler l'après-midi chacun de leur bord. Puis, il y en a un des deux qui va aller ramasser les enfants à la fin de la journée, quand ils ont fini de travailler, à l'orphelinat, pendant que l'autre est à un 5 à 7. Puis là, ça revient à la maison, puis on remplit les enfants une deuxième fois, on les baigne, on les couche. Ça veut dire que, pour la plus grande partie de son temps éveillé, l'enfant du gars puis de la niaiseuse qui voulait être femme et se réaliser va être confié à des filles médiocres, embrigadées dans la CSN pour éduquer les Québécois pour en faire des enfants sérieux et des citoyens fiables. C'est des filles qui sont pas assez intelligentes pour enseigner aux primaires. C'est des gougounes de garderie. C'est un orphelinat. L'enfant passe tout son temps éveillé avec des étrangères qui peuvent très bien être des maudites folles. Ça va vous prendre 2 ans à vous en apercevoir. Rappelez-vous le témoignage de la dame qui voit un enfant tout morveux accroché après une gardienne d'orphelinat en train de pleurer, puis dit « Maman, maman! » Puis qui dit « Je t'ai déjà dit, jamais m'appeler maman quand on est ici. » Ça a été vu dans les orphelinats du Québec parce que c'est la doctrine de la CSN. Quand t'es ici, tu n'es plus une mère de famille, t'es une employée syndiquée. Donc, parce qu'ils sont tombés dans le piège des berceaux, et parce qu'ils sont trop chiens pour se révolter contre les gouvernements, les Québécois font des enfants qu'ils n'ont pas les moyens d'avoir, et les confie au gouvernement et à la CSN pour en faire des citoyens honorables. Et les enfants passent leur vie dans une prison de jour, un orphelinat, parce que le temps qu'ils passent à la maison avec leurs parents trop niaiseux pour se réveiller, ils dorment. Quand les parents se couchent, les enfants dorment déjà. Et les enfants, quand ils se lèvent, sont ramenés à l'orphelinat 5 jours par semaine. Puis en fin de semaine, ils sont bien trop occupés pour s'occuper de leurs enfants. Ils sont fatigués, il faut qu'il y en ait un qui dorme, ils ont travaillé toute la semaine. Mon problème, c'est pas avec la société québécoise. C'est une société communiste comme n'importe quelle autre. Hypocrite, communiste et autoritaire. Mais autoritaire par conformisme, pas par violence. Mon problème, c'est avec les imbéciles qui font les enfants. Si vous aviez eu deux scènes de jugement, au lieu de fabriquer un enfant dont vous ne pourrez pas vous occuper, vous auriez obtenu du gouvernement qu'il baisse vos impôts, qu'il arrête de subventionner les BS et les artistes qui sont déjà riches, et qu'il vous donne la chance, chaque famille, d'élever vos enfants vous-même, avec l'aide des services de gardienne occasionnelle, avec l'aide des grands-parents quand c'est nécessaire. Non! Vous vouliez avoir des enfants, puis vous n'avez pas pensé qu'en ayant des enfants de cette façon-là, vous pourriez même pas vous en occuper parce que vous êtes trop occupé à travailler pour payer des impôts, payer la garderie. Puis personne ne se rend compte que c'est un cercle vicieux. Puis là, on a des enfants qui sont 52 semaines par année au pénitencier de la CSN. Allez les voir, les enfants, se raccrocher après les grillages en attendant les parents. Allez voir les têtes de crétins des éducatrices des CPE. Je t'ai déjà dit de jamais m'appeler maman quand on est ici. Quand on est ici, je suis pas ta mère. C'est ça le Québec. Vous payez avec vos enfants le prix de votre manque de courage devant le gouvernement. Puis votre manque de courage, les gars, devant vos blondes. Ça me prend un enfant. Parfait, t'arrêtes de travailler. Ah ben non, ben tu n'auras pas d'enfant. Les valeurs traditionnelles, moi j'y crois. Un enfant a besoin d'une mère quand il est petit. Il a besoin d'un père quand il est adolescent. Puis entre les deux, il a besoin des deux. C'est la nature humaine qui a fait ça. Vous ne le changerez pas. Mais à partir du moment où les gars se font mettre en demeure de faire un enfant puis qu'ils mettent pas la fille dehors à coups de pied le cul, ils leur font un enfant pour garder le petit maman à la maison pour les torcher, ils fabriquent des otages pour la CSN contre le gouvernement, otages qui seront envoyés au bâton dans quelques semaines, quand les débrayages vont commencer, puis que les crétins de Québécois vont s'apercevoir que non seulement ils ont plus moyen de payer les impôts, mais ils ont plus moyen de s'organiser pour remplacer les CPE, les orphelinats. Et les enfants maintenant vont à la garderie, même quand les parents sont en vacances. Parce que, dans le fond, ces enfants-là, ils voulaient pas. Ils voulaient l'image d'être mère, mais pas de trouble. Ça fait qu'ils ont trouvé, dans notre beau Québec communiste, des gougounes de la CSN pour engueuler leurs enfants à journée longue, puis le soir, quand les enfants arrivent à la maison, « OK, mange, je vais te coucher, là. Maman est fatiguée. » Puis le matin, « OK, lève-toi, il faut aller à la garderie. » L'enfant, il s'endort chez lui, il se réveille chez lui, puis il passe sa vie aux mains de gens qui sont pas ses parents. Si je vous avais présenté ce portrait-là il y a 20 ans, en vous disant que c'est la Chine, vous auriez dit que la Chine, c'est un pays de salauds. Mais parce que c'est chez vous, vous vous apercevez pas que vous avez été manipulé par le gouvernement, par les syndicats, par les journalistes, par les médias, par la petite élite communiste du Québec qui profite de votre argent. Puis pendant ce temps-là, vous avez sacrifié vos enfants. Y a-t-il quelqu'un qui veut me dire que j'ai tort? Je suis à 670-1009, 1-800-670-1009, arthur@cknu.com. Ce que je vous dis, je le résume. Vous faites des enfants que vous n'avez pas les moyens d'avoir parce que votre argent est tout donné au gouvernement. Au lieu de vous révolter contre le gouvernement, vous vous pliez au gouvernement et vous faites quand même des enfants, mais vous les donnez au gouvernement pour les élever. Et quand vos enfants auront 15 ans, ils vont être les premiers à dire que le Québec, c'est beau. Parce qu'ils auront été habitués par la CSN à penser ça dans notre petit pays communiste. Mais vos valeurs, à vous, ne seront jamais communiquées avec vos enfants. Les valeurs, ça se communique dans la vie quotidienne, ça se communique pas la nuit pendant qu'ils dorment. Quand ils sont avec vous, ils dorment. Et les valeurs que vous avez ont rien à voir avec les valeurs des BS qui sont été transformées en gardiennes dans les orphelinats québécois qui vont être en grève dans quelques semaines. Dites-moi que j'ai tort. C'est bien sûr que c'est bête comme mes pieds ce que je viens de dire là. J'ai juste un problème. C'est strictement vrai. le manque de courage des Québécois fait qu'au lieu de se révolter contre le gouvernement pour faire baisser leurs impôts et s'occuper eux-mêmes de leurs enfants, ils payent plus d'impôts pour que la CSN s'en occupe, puis ils pensent qu'eux, ils sont des bons parents. Vous n'êtes pas des bons parents, vous êtes des lâches. Des lâches. Le gars qui fait un enfant à sa femme en sachant qu'ils n'ont pas les moyens de s'en occuper, s'ils sont rien qu'un salaire, puis qui dit à la fille, « OK, quand t'auras fini de veiller, je retournerai travailler pour me faire de l'argent, puis on va payer la garderie avec ça, avec nos impôts. » C'est des lâches qui font ça. Dans un pays de gens qui ont de la dignité, les gens se seraient révoltés avec les armes, s'il le faut, contre le gouvernement, pour que le niveau d'impôt permette à une famille, un père ou une mère de famille, de s'occuper de ses enfants, et non pas d'aller travailler pour payer des impôts. Michel, il dit, je peux pas vous dire que vous avez tort, vous avez mauditement raison. Doc Mayou dénonce la même situation presque à tous les jours. Ce qui manque à la majorité des Québécois, c'est du jugement. Non, c'est pas du jugement, c'est de la dignité. On n'est pas un peuple de gens qui ont de la dignité. On est toujours à quatre pattes devant l'autorité. Que ce soit les curés, que ce soit les syndicats, que ce soit les professeurs, que ce soit les fonctionnaires, n'importe quel enfant de chienne est capable de nous mettre à genoux. Des gens qui ont de la dignité et qui veulent faire un enfant et qui s'aperçoivent qu'à un salaire, ils peuvent pas faire vivre la famille pendant qu'un des parents s'occupe des enfants. Les gens qui ont de la dignité, ils se révoltent contre le gouvernement. Nous, on fait des enfants puis on les donne au gouvernement parce qu'on est trop occupé à travailler pour payer des impôts. Puis vous allez me dire que vous avez de la dignité. Bonjour. Oui, bonjour, M. Arthur, ça va bien? Oui, ça va bien, vous? Excellent. M. Arthur, effectivement, moi, je travaille dans le secteur privé. On vient d'avoir une petite fille au mois de décembre dernier. Présentement, moi, je suis en congé parental pour 3 semaines. Ma blonde, bien évidemment, elle est en congé de maternité jusqu'au fin octobre. Petite chose que je trouve drôle, au mois de juin, on a, nous, appelé plusieurs CPE dans le quartier chez nous pour, bien évidemment, là, revoir les... Pourquoi se débarrasser de votre enfant quand elle va retourner travailler? Si vous voulez. Ah, la réalité, c'est ça, mon ami. Mais ce que je trouve bizarre, c'est que tout d'un coup, au mois de juin, toutes les CPE auxquelles on a fait des pressions là, pour que la petite soit bon, au moins sur la liste, tout d'un coup, au mois d'août, tout le monde nous rappelle, puis il y a de la place qui se libère. Je sais pas c'est quoi le phénomène, qu'est-ce qui se passe. Il y a des gens qui bougent beaucoup, ben s'y attendent de voir, bon, la, comme on dit, la bête des parents. On a eu 5 appels dans les dernières semaines pour faire rentrer notre petite fille là, dans des CPE. Moi, je trouve que, comme parent, il y a beaucoup de gens dans mon entourage qui vivent un gros problème avec les CPE. Les CPE ont le gros monopole. Je sais pas si on... Est-ce que vous vous êtes rendu compte que vous êtes probablement obligé de le garder là à temps plein, l'enfant? Oui, j'ai pas le choix. Vous avez pas le choix? Non. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ça m'écœure. Mais pourquoi vous faites des enfants, d'abord? Parce que c'est le plus beau cadeau au monde, une petite fille ou un petit garçon. À qui vous faites un cadeau? À CSN? Oui, on n'a pas le choix. Alors, c'est quoi? Pourquoi vous faites un enfant que vous ne verrez que dormir du lundi au vendredi? Monsieur Arthur, j'ai amplement de temps à consacrer à ma petite fille. Mais non, il va être au... Non, votre fille va être à l'orphelinat du lundi matin au lundi soir, tous les jours de la semaine jusqu'au vendredi soir. Du lundi au vendredi, cet enfant-là aura besoin de dormir en arrivant chez vous. C'est vrai. Bon, alors qu'est-ce que ça vous donne de faire un enfant pour le regarder dormir pendant que vous laissez des filles de la CSN qui étaient des BS il y a 2 ans l'élever? J'aurais le choix. Soit je la laisse chez un grand-parent du côté maternel ou paternel, ou j'ai le choix entre la CPE. Je dérangerai pas non plus les grands-parents pour ça. Mais non, c'est ça. Alors qu'est-ce que ça vous donne d'avoir fait un enfant pour l'abandonner dans un orphelinat de jour, du lundi au vendredi? Ces heures éveillées vont être passées avec des gens que vous connaissez pas, que vous auriez probablement jamais embauché personnellement. J'ai pas le choix. Je suis obligé de travailler. Ma blonde aussi, si on va arriver, on est dans le privé tous les deux. J'ai pas le choix. Comment vous avez pas le choix? Vous aviez le choix de ne pas faire d'enfant? Non. Comment non? C'est ma priorité d'avoir des enfants. Mais oui, mais si vous avez des enfants puis vous n'êtes pas capable de vous en occuper, vous êtes un lâche? Non, pas du tout. Je m'en occupe très bien. C'est juste que rendu à l'étape où elle est, à 9 mois, 8 mois, il faut que je retourne sur le marché du travail, ma copine aussi. Donc vous vous en occuperez pas pendant les prochaines années? Vous allez la regarder dormir du lundi au vendredi? plus ou moins. Comment ben oui, mais comment faites-vous pour vivre avec ça, baptême? Je vis très bien avec ça. Je soupçonne, j'espère de tout cœur, que les gens dans la CPE auxquels elle va être présente vont être des gens extrêmement aimables, qui vont lui donner beaucoup d'amour comme nous on lui donne. Est-ce que, quelle assurance avez-vous que les valeurs qui vont lui être transmises pendant qu'elle est réveillée vont être les vôtres? À force, avec les semaines qui vont venir, avec l'adaptation avec la CPE, on va voir juste dans son sourire, la façon qu'elle agit, la façon qu'elle grandit. On est capable de déceler ça en tant que parent. S'ils font de votre enfant une marionnette syndicale, parce que eux, ils vivent rien que de ça, du syndicalisme. Ben, je vais m'insurger. Comme, mais vous le saurez pas? Il va falloir établir des barèmes, justement. Vous le saurez pas! Vous le saurez jamais! Des visites surprises que j'appelle à l'heure du midi, coucou, bonjour, et où mon enfant? L'après-midi à Beauport, où ils n'ont pas donné de lait aux enfants pour protester, ces maudites folles-là, vous l'auriez pas su si la radio vous l'avait pas dit? Effectivement. Ben alors, comment pouvez-vous vous prétendre faire des enfants quand vous ne vous en occuperez pas du lundi au vendredi? Monsieur Arthur, si j'avais le pouvoir de le faire, je le ferais. Mais malheureusement, étant donné qu'on... Quand on n'a pas de pouvoir, pourquoi on fait des enfants pareils? Pourquoi on fait des enfants quand on est au camp de concentration? Pourquoi on fait des enfants quand on est condamné à mort? Pourquoi on fait des enfants quand on vit dans une société qui nous donne même pas la liberté d'élever nos enfants? Monsieur Arthur, un enfant, c'est le plus beau cadeau du monde. Je le vois le matin, je le vois au réveil, je le vois au coucher. T'es bien égoïste, ça? Pas du tout. Ben oui, c'est pour vous que vous le faites. C'est pas pour moi. Ben oui, c'est le plus beau cadeau du monde. Si moi je vous donne un popsicle, je fais pas plaisir au popsicle. Je fais plaisir à vous. Ouais, puis vous, est-ce que vous vous faites plaisir? En quoi? C'est un geste de générosité. Vous venez de m'offrir un popsicle. Ah ouais, oui. Je fais la même chose avec mon enfant. Je lui donne tous les outils pour permettre de grandir. Non! Vous lui donnez le droit d'être élevé par la CSN. Écoutez, si la CPE dans laquelle elle est a vraiment un problème au niveau moral ou de mentalité de syndicaliste, je pense qu'en tant que parent, on peut aussi avoir des rencontres avec ces gens-là. Puis, faisons la journée normale d'un enfant de 9 mois qu'on amène au CPE. Vous vous levez à quelle heure chez vous? Vers 6h, 6h30. À 6h30, vous vous levez, vous prenez votre douche. Plus tard que ça. Votre femme prend sa douche, vous déjeunez et vous nourrissez l'enfant. Oui. À quelle heure il va être au CPE? Autour de 8 heures. À 8 heures, il est au CPE jusqu'à 17 heures? Oui. 17h30 plutôt? 7 heures. 17 heures. Donc, les 9 heures qui suivent, où il a des chances d'être réveillé, il est élevé par des agents gouvernementaux. À 17 heures, vous allez le chercher. Vous l'amenez à la maison et vous le nourrissez. Mm-hmm. Un enfant de 9-10 mois, il va être couché à quelle heure? Autour de 9 heures. Pardon? Êtes-vous sérieux, vous, là? Très sérieux. Un enfant, là, à 7 heures, c'est tard. Ben, écoutez, présentement, il est sur le même rythme que nous, puis on la couche toujours autour de 9 heures. Ben, vous êtes un Christ d'imbécile. Honnêtement, là, vous, c'est votre premier, là? Oui. Vous êtes un cave. Vous auriez jamais passé les examens élémentaires d'un père de famille. Vous êtes un moron, un égoïste, un écœurant, un tortionnaire. Un enfant de 9 mois qui va veiller jusqu'à 9 heures pendant que le bonhomme et la bonne femme font des guili-guili pour se déculpabiliser de l'avoir mis au monde. Vous êtes un parfait salaud. Monsieur Arthur, si la petite décide par elle-même parce qu'elle est fatiguée à 9 heures, on la couche à 9 heures. Jamais un enfant décide d'aller se coucher à 9 mois, monsieur. Ben, ça paraît. Quand un petit enfant se frotte les yeux, commence à avoir des signes de fatigue. Non, c'est pas ça qu'un enfant fait quand il manque de sommeil, monsieur. Vous êtes en plus un parent incompétent et je vous soupçonne d'être un hostie de whippette. Un gars qui a fait un bébé pour faire plaisir à sa femme parce qu'il avait besoin d'une mouman pour le torcher. Vous êtes un déchet. Si je vous disais le contraire, que c'est même moi qui ai fait pression pour avoir un enfant auprès de ma blonde, vous seriez surpris, hein? Non, je serais pas surpris, je dirais, c'est ça un whippet, ça s'aperçoit même pas que c'est manipulé. Bonne journée. Merci. Hey, ça n'a pas de sens. Il va faire veiller un enfant de 9 mois jusqu'à 9 heures le soir. C'est pire que je pensais. Tu parles d'un enfant de chienne. Bonjour, madame. Oui, bonjour, monsieur Arthur. Nous, on a fait le choix personnel de que mon mari travaille et que moi, je reste à la maison pour élever nos enfants. On aime mieux donc avoir des plus petites voitures, une moins grosse maison, pour justement leur donner la chance d'avoir une maman à la maison à temps plein. par contre, j'ai eu 3 enfants à 4 ans et demi. À un moment donné, c'est ça, j'avais comme besoin de temps pour aller chez le dentiste ou faire l'épicerie seule. J'ai essayé de trouver une place à 7 $. Et partout où j'appelais, on me raccrochait la ligne au nez. On me disait non. Tu peux venir si tu nous payes 5 jours. T'amèneras ton enfant juste une journée, mais autrement de ça, on n'en veut pas du temps partiel. Les enfants sont trop difficiles à temps partiel. Il y a d'autres endroits où j'appelais, ils sélectionnaient les enfants de 3 ans et plus. Puis en plus de ça, j'ai appelé un endroit, ils disaient parfait pour les mamans à la maison. Et puis elle m'a raccroché la ligne au nez, elle m'a dit viens, paye 3 jours, même si tu m'les amènes juste une fois par mois, c'est pas grave. Paye, puis je vais te prendre. Sinon, tu viens pas. Quel âge ont vos enfants? Il y en a un maintenant qui a 7 ans, 4 ans et 3 ans. À l'âge de 9 mois, est-ce qu'il veillait jusqu'à 9 heures le soir pour vous faire faire des guidi-guidi? Non, non. Qu'est-ce que vous pensez de cette crise d'incompétents sauvages qui viennent nous dire que lui, son enfant, à 9 heures, il se couche le soir à 9 mois? Oh ben, mon Dieu. Ils organisent, ils sont tellement égoïstes, ces baptêmes de fous-là, qu'ils adaptent l'horaire d'un enfant à leurs besoins d'adulte. J'ai besoin de ma petite poupée le soir, m'a la faire veiller, puis s'il se frotte les yeux, j'irai le coucher. Mais s'il fait juste paralysie cérébrale, ça sera pas grave. Avez-vous entendu ce qu'il faisait? Oui, oui, mais ça s'appelle ne pas mettre ses priorités à la bonne place. De nos jours, tout le monde veut avoir la plus grosse maison, tout le monde veut voyager, tout le monde veut avoir la plus belle voiture. Donc, c'est les enfants qui payent pour, malheureusement. Vous serez capable, chez vous, de rester à la maison pendant que votre mari va gagner la vie de la famille? Oui, moi oui, je reste à la maison. Qu'est-ce qui rend ça possible? Est-ce que c'est parce qu'il travaille au noir? Comment il fait? Mais non, mon mari travaille comme représentant, il a un simple salaire, sauf que on habite Rosemère et on a la plus petite maison probablement de Rosemère. On magasine les aubaines et c'est ça. Si vous payez 20% d'impôt sur votre revenu de votre mari, plutôt que les 50% que vous payez actuellement, de combien votre rôle de parent à la maison serait facilité? Si votre mari payait la moitié moins d'impôts... On serait récompensé, c'est sûr. Est-ce qu'on pourrait dire que vous pourriez maintenir une vie familiale normale, élever vos enfants plutôt que les faire élever par des tartes de la CSN, et vous comporter comme des parents normaux? Oui. En d'autres mots, les Québécois, ils ont le choix de se révolter pour payer moins d'impôts puis s'occuper de leurs enfants, ou s'avachir, avoir 2 jobs pour payer leurs impôts puis faire élever leurs enfants par des gougounes de la CSN. Ah oui, mais M. Arthur, nous, en tant que mère à la maison, on se fait regarder, là, on est des lâches, hein? Vous faites mépriser. C'est comme ça que les gens nous perçoivent. Moi, je suis perçue comme une lâche qui veut pas aller travailler, qui reste à la maison puis qui tourne les pouces. Mais moi, j'ai pas de femme de ménage, par exemple. Moi, j'ai pas la grosse voiture. C'est des choix. Moi, j'ai choisi de rester, élever mes enfants. Moi, quand je vais au restaurant avec mes enfants, ils sont capables de rester assis 2 puis 3 ans sans bouger parce qu'ils savent que la politesse, c'est de rester assis et d'attendre. Bonne journée, madame. Merci, madame. Au revoir. Moi, le gars, là, tantôt, là, il m'a rendu hors de moi. Un gars de même, j'ai le goût de le frapper. Il fait des enfants, il est fait élever par la CSN, puis pour se donner bonne conscience, il prend un petit bébé qui a même pas 1 an, puis il fait veiller jusqu'à 9 heures le soir pour y faire des guili-guili, pour que se sentir un homme. Puis là, il doit le traîner partout. Tout ça parce qu'il a été trop chien pour obtenir du gouvernement que les impôts soient à un niveau qui permet à une famille de vivre avec un salaire. Étant donné que les impôts sont trop élevés, ça prend 2 salaires, mais ça s'entête à faire des enfants plutôt que de se révolter, et ça crée des victimes. Il n'y a pas de mots, j'ai pas trouvé de mots dans mon vocabulaire pour exprimer le mépris que m'a donné ce whippette méprisable qui a fait des enfants pour se faire un cadeau, puis qui est pas capable d'y coucher le soir, parce qu'il y a mauvaise conscience de l'avoir abandonné toute la journée à des BS qui travaillent pour la CSN dans un orphelinat. Lui, s'il a le temps de jouer avec jusqu'à 9h, l'enfant n'a rien qu'à s'adapter. « Hey, tu restes debout, j'ai besoin d'être ton père. » Bonjour, Aline. Oui, bonjour. J'ai le poil sur les bras dressé de même. Je t'ai assommé bien raide. Je sais pas que c'est de dire. Quand j'ai entendu ça, moi, j'ai envoyé mon garçon, j'ai 8 ans, vous allez me dire, j'étais avec en partenariat qu'il y a une autre femme qui l'envoyait. Moi, j'ai envoyé mon garçon 3 jours par semaine, elle 2 jours. Fait qu'on complétait, on était le seul couple qui était rare pour qu'on se complète les deux. Puis les autres personnes, t'as toutes à semaine longue, 5 jours par semaine, les enfants, du matin à 7h, aller jusqu'au soir à 5h. Puis nous autres, au plus vite on pouvait s'en sortir pour aller, parce qu'on travaillait, on était 3 jours par semaine, on les envoyait à la garderie. Les 2 autres journées, on avait alterné nos congés pour s'occuper des enfants. Puis jamais, j'entendais l'autre monsieur au début tantôt, j'en reviens pas. La garderie, c'est un orphelinat. Et ce qui arrive avec les gens qui travaillent et qui font quand même des enfants par égoïsme et manque d'envergure, manque de dignité, c'est qu'ils deviennent des parents de nuit pendant que de jour, leurs enfants sont orphelins. Ben, il reprend son temps le soir parce qu'il n'est pas capable de le voir le jour. Il fait veiller cette crise de fou-là. À un moment donné, l'enfant va faire des convulsions. L'enfant, il s'endormira pas pendant qu'il se fait faire des guili-guili. Il est pas capable, ça l'excite, là. Voyez ça, rendu à 8-9 ans, il va se coucher à quelle heure, puis ça va faire quoi? Il va dire à son père, je vais voir mes chums, je les ai vus de l'emmener à la garderie. Ben, peut-être qu'on se demande d'où ça vient, les enfants ritalins. Ça vient peut-être de des crises de Mongols de même, qui sont pas capables d'élever des enfants, qui les surexcitent le soir pour se donner bonne conscience, puis que rendu en première année, la gougoune qui est professeur, il vient de changer de syndicat, il lâche la CSN, il pogne la CSQ, puis elle a dit, si tu veux que je le garde dans ma classe, donne-y du Ritalin. Ben oui, il est fou, cet enfant-là. On se demande pourquoi il est fou, c'est parce qu'il y a eu un parent comme ça. Il y avait 50 enfants à petit CPE qu'on envoyait à Drummondville. Là-dessus, on était 2... qui était à temps partiel, les autres étaient à temps plein au complet. Puis t'avais le droit d'aller porter à 6h30 le matin, puis d'aller chercher le maximum à 6h le soir. Tu crains pas qu'il y en avait qu'à 6h30, il était là le matin, puis qu'il retournait chercher dans les enfants. Dans une famille respectable, quand on décide de faire des enfants, si ça prend 2 jobs pour arriver, ben il y en a un des deux qui prend 2 jobs. C'est ça. Si ça prend une job pour le gars puis une job pour la fille pour arriver à cause des impôts de fou qu'on fait, puis que ces gens-là décident de faire quand même des enfants, la seule chose digne à faire, ils le feront pas, c'est que la fille lâche sa job si c'est elle qui reste à la maison, ou le gars lâche sa job si c'est lui qui reste à la maison, puis l'autre parent prend une 2e job. Ben, travaille de jour, travaille de soir. C'est ça. Ça, c'est digne. Ça, c'est prendre charge de sa famille. Ça, c'est être responsable. Mais donner ses enfants à CSN, puis à Pauline Marois, puis à toutes ces maudites folles-là... Regarde. Les enfants, la fin de semaine, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent voir leurs parents, puis les parents sont fatigués de 2 semaines brûlés, ben raide. C'est ça qui se passe. Salut. Merci. Merci. Je pensais jamais de m'enflammer de même. Je pensais jamais d'avoir la chance d'entendre un maudit fou inconscient, un whippette québécois qui s'est fait dominer par une bonne femme, qui s'est fait faire des enfants, mais ils ont décidé que les enfants seraient gardés, qu'à l'âge de 9 mois, il était vieux en masse pour veiller le soir jusqu'à 9h. Adieu! Bonjour. Bonjour, M. Arthur. Ça fait mal. Oui, ça fait mal. Moi, je suis mère au foyer, ça va faire 3 ans. Tout de suite après ma fin de mon baccalauréat, j'ai eu mon premier garçon, donc j'ai décidé de rester à la maison. Puis je peux vous dire quelque chose, en 3 ans, à part à Noël, mes enfants ne se sont jamais couchés à 9h le soir. Même à 9 mois. À 9 mois. À 9 mois, mes enfants à 7h30 et 8h, gros max, s'étaient couchés. Ah oui. Ben oui. Ça prend. Vous rendez-vous compte comment il a dû être élevé, ce mongol-là, pour faire ça à ses enfants ensuite? Lui, quel genre de crise de folle était sa mère? Sa mère n'était pas au foyer. Moi, ma mère était au foyer, ainsi que la mère de mon conjoint. Puis ça, on voit vraiment la différence, là. On pense de la même façon, moi et mon conjoint, c'est les enfants d'abord. Puis aux yeux de tous nos amis, puis de tous nos proches, là, je veux dire, ils comprennent pas notre réaction de rester à la, que je reste à la maison, dans le fond. Eux, dans leur tête, il faudrait que je sois au travail parce que je me pogne le cul en bon québécois, selon eux, à la maison. Mais si jamais on voulait vraiment avoir une job, à ce moment-là, ça serait mieux d'avoir une job de soir pendant que les enfants dorment qu'une job de jour pendant que la CSN les élève pour faire des petits communistes avec. Oui, si jamais une... Je connais une femme qui a un métier qui a choisi de travailler le soir. Le matin, elle s'occupe de ses enfants. L'après-midi, elle est là pour les accueillir quand ils reviennent de l'école. Et quand tout le monde est soupé, elle part et elle va travailler. Le plus vieux gardant la plus petite. Ou quelque chose du genre. Et ça donne une vie de famille où tout le monde sent qu'on travaille fort, mais où les enfants ont des parents. Les CPE, madame, c'est des orphelinats. Et tant qu'on n'acceptera pas ça comme réalité, on va continuer à penser qu'on s'occupe de nos enfants parce qu'on va les crisser dans un pénitencier le matin. Oui, puis moi, je vais vous dire quelque chose. Des garderies, j'en ai à peu près 6 ou 7 des garderies accréditées à cette place dans ma rue. Puis je vais vous dire de quoi. Le 3/4, j'enverrai pas mes enfants là. Je vois comment ils sont traités, ça n'a pas de bon sens. Des enfants qui sortent pas dehors l'hiver, qui sont en dedans une journée longue, qui sont traités comme des petits vauriens, là. Excusez-moi, j'en ai en quantité dans ma rue, là. Je veux pas généraliser, je le vois. Je vais au parc avec mes enfants, je vois les enfants qui sont là, je les vois les garderies. Puis moi, mes enfants, là, je les envoie 2 à 3 après-midi semaine parce que j'ai recommencé à faire des cours. Puis j'ai vraiment choisi ma place, puis je suis contente, puis que je suis vraiment chanceuse. J'ai une madame qui traite mes enfants comme les siens. Mais moi, là, jamais, jamais que je serais capable de porter mes enfants de 7h à 5h. Je vais les porter 3-4 heures par jour, puis j'ai le cœur gros. Merci, madame. Merci, bonjour. François est en Californie, et il m'envoie le message suivant. Je soupçonne les Québécois d'être simplement pas intéressés à élever leurs enfants. C'est trop difficile. Et je suis certain que les Québécois sont lâches et paresseux. C'est sans espoir. Sans espoir parce que les mentalités sont tarées. Le Québec est condamné à être un pays minable, comme le Togo, le Congo, Haïti et tous ces autres pays de cul dont on rit. Bonne journée. Bien évidemment. C'est en Californie. C'est pas les meilleurs qui restent. Bonjour. Bonjour, c'est à moi? Oui. Bonjour, M. Arthur, ça va bien? Non. Dans ce cas, j'espère que ça va aller un petit peu mieux. Je me sens un petit peu shakée ce midi. Je vais vous dire pourquoi. Moi, je suis présentement à la maison avec un petit bébé qui va avoir bientôt 11 mois. J'ai pas de scolarité en tant que telle. J'ai pas de métier. Je travaille... je pense que j'ai travaillé assez fort pour... je suis rendue à un âge où ce que je me dis, bon, là, où sont mes priorités? Un enfant, OK. Je suis rendue, j'ai 35 ans. Je viens d'avoir un bébé, il est en parfaite santé, il est beau, il est fin, il est tout ce qu'on veut dans la vie. Je pense qu'on va essayer de bien partir dans la vie. J'ai fait le choix, par contre, bientôt, mon retour au travail va arriver bientôt. Puis là, je me sens un petit peu tiraillée. Bon, j'ai fait un petit peu de recherche du côté des CPE, j'ai eu le temps de réfléchir à ça. Puis là, je suis rendue à la conclusion... Just too bad, le CPE, je pense que je vais passer mon tour. J'ai plutôt fait le choix de retourner sur le marché du travail, mais de soir. Mon chum travaille le jour. Puis moi, ben, je pense que je vais faire le choix d'aller de soir parce que ça me tente pas que mon fils soit pris en otage dans les garderies. Je sais qu'ici à Beauport, moi, je vous appelle de Québec, puis je sais qu'ici à Beauport, on a entendu dire, comme vous avez dit tout à l'heure, les garderies qui empêchaient les enfants d'avoir leur collation, le lait. C'est complètement ridicule faire des choses comme ça. C'est criminel, enfants. Madame. C'est juste que c'est des criminels, mais parce que la CSN leur a demandé, ils pensent que c'est correct, c'est des caves. Ça n'a pas d'allure, monsieur Arthur. Jamais un enfant doit manquer de quoi que ce soit. Si c'est une place qu'on doit faire confiance, c'est dans nos garderies. Les garderies sont régies par des gens, je veux pas tout mettre tout le monde dans le même panier, mais je trouve que plus ça va, plus on entend des choses là-dessus. Donc, vos enfants auront le jour votre présence, oui. Le soir la présence de votre père, oui. Et la famille aura deux salaires. Est-ce que vous admettez que si on coupait les impôts de votre mari de moitié, vous auriez probablement pas besoin de travailler si fort que ça. Ben, certain, monsieur. Donc, au lieu de se révolter, les Québécois ont choisi la soumission au gouvernement puis au communisme de la CSN. Oui. Mais monsieur Arthur, regardez, moi là, je sais vraiment pas qu'est-ce qu'on peut faire pour se révolter. Écoutez, si je m'en vais dans la rue, en fait, du Parlement avec ma petite pancarte, là, il y a bien des chances que je passe pour un monument, qu'il y a bien d'autres choses. Par contre, le gouvernement, au lieu de donner, puis de donner, puis de donner à ces centres de CPE-là, puis les garderies, ainsi de suite, devrait nous, les mamans, les papas, nous donner un montant. Mais non, il n'y a pas besoin de vous donner d'argent. Arrêtez de têter. Il y a juste besoin de vous laisser votre argent. Oui, encore. Arrêtez de taxer le monde pour payer des CPE à la CSN, pour payer des subventions à des artistes qui se promènent en Audi comme Éric Lapointe. Tu sais, ouais. Prendre un... Si vous étiez aux États-Unis, ouais. Avec la même job à votre chum, vous penseriez même pas de retourner sur le marché du travail avant que les enfants soient à l'école primaire. Ouais. Et vous ne manqueriez de rien. Ouais. Oh, je suis d'accord, j'aimerais bien mieux ça. Bon alors, voyez-vous ce que c'est un Québécois? Oui. Un Québécois, il monnaie. Au lieu d'affronter le gouvernement et dire « No way, je paye plus d'impôts », il dit « OK, m'a payé plus d'impôts, puis je vais laisser élever mes enfants par des gougounes qui étaient BS avant de rentrer dans le CSN ». Ah oui. Mais regardez, vous savez, comme nous, là, on est dans une situation que, bon, vu on n'a pas de métier, on n'a rien, donc on est comme au salaire minimum. Pourquoi vous faites des enfants au salaire minimum, madame? Je m'excuse, là. Ben, parce que on va tout faire pour essayer. Ben, non, pourquoi? À un moment donné, vous, vu votre mari, vous avez décidé, on est au salaire minimum, on tire le diable par la queue, mais on va se reproduire. Ben, je suis peut-être pas au salaire minimum, j'ajoute un petit peu plus que le salaire minimum. OK. Un jour, vous, vu votre mari, vous vous êtes dit, on est quasiment au salaire minimum, on tire le diable par la queue, on a besoin de deux jobs pour arriver, mais on va se reproduire. C'était quoi, ce besoin-là? Ben, écoutez, M. Arthur, il y a toujours des solutions à chaque problème. C'est à nous de se prendre en main et puis de faire quelque chose. Mais pourquoi c'est important de faire des enfants? Pourquoi c'est important? C'est une grosse question. C'est important. Donnez-moi une réponse. Ben, c'est important. Donnez-moi une réponse qui n'est pas basée sur votre nombril, mais qui est basée sur autre chose extérieure à vous. Faire des enfants, pourquoi? Faire un individu à part entière dans la société, faut quand même penser pas juste à nous. À qui vous pensez quand vous faites un enfant si c'est pas à vous, madame? Ben, c'est sûr que c'est à nous qu'on pense en premier. Mais est-ce que c'est pas parce que si vous faites un enfant en santé et il y a aucune garantie? Ouais. Si vous faites un enfant heureux et il y a aucune garantie? Ouais. Si vous faites un enfant qui suicidera pas à 22 ans? Ça va être votre plus belle réalisation de votre vie parce que le reste, ça a été insignifiant pas mal, hein? Ben, comme je vous dis, mais... Non, hey! Changez pas de sujet. Essayez de me répondre. Est-ce que, dans le fond, c'est pas la plus belle... La seule chose intéressante qui va être arrivée dans votre vie, ça va être d'avoir veillé? D'avoir quoi? D'avoir mis un enfant au monde, là, d'avoir veillé, là, comme n'importe quel animal, là. Probablement que oui. Êtes-vous fier de ça? Est-ce que c'est ça, votre dignité? Ben, M. Arthur, si on fait des enfants, c'est parce qu'en quelque part, on veut vraiment en avoir des enfants. J'ai retardé... Pourquoi est-ce que le pissenlit se multiplie sur la pelouse? Parce que, regardez, j'ai retardé longtemps. Nous, on a retardé longtemps avant d'avoir un enfant parce que, justement, on savait pas. On se disait, bon, on n'a pas assez de sécurité, on n'a pas assez de ci, on n'a pas assez de ça. Puis, à un moment donné, on se réveille à 35 ans puis on se regarde, si j'attends tout le temps... OK, mais puis... pourquoi vous attendez après ça? Pourquoi ça devient une solution, faire un enfant? Ben, c'est parce que je pense que c'est pas une solution, mais je veux dire, c'est comme C'est parce que vos hormones, à un moment donné, vous ont dicté que c'était le temps de se reproduire, puis vous vous êtes jamais aperçu que c'était chimique, hein? Peut-être. Vous avez peut-être raison, je vous donne pas tort. Mais comment ça se fait? La dignité consiste à pas faire juste ce qu'on a le goût de faire. Comment une fille intelligente comme vous a pu avoir assez peu de scolarité pour pas se distancer plus du salaire minimum? C'est ça, M. Arthur, ça serait à moi à me donner un grand coup de pied. Non, il est trop tard. Est-ce que... Non, il est trop tard. D'accord avec vous qu'il est trop tard. Il est trop tard. Mais je veux dire, il y a d'autres solutions. Non, attendez-moi une seconde. Oui. La journée que vous avez arrêté l'école... Oui. Est-ce que vous vous êtes pas disqualifié de faire des enfants? Ben, c'est sûr, M. Arthur. Alors, pourquoi vous en faites? Ça sera recommencé, je vous dis que je serais restée avec ça. Ben alors, pourquoi vous faites des enfants à des parents... qui vont tirer le diable par la queue pour leur vie. Tu trouvais pas qu'il y a assez d'enfants qui tirent le diable par la queue? Ben, c'est pourquoi ça. Pourquoi il fallait se reproduire? Vous étiez donc bien fiers de vous? Ben, écoutez, c'est parce qu'en quelque part, je me dis... Tu sais, Vous dites quoi, en quelque part? Qu'est-ce que vous vous dites? Ben, je me dis J'ai attendu longtemps avant d'avoir des enfants. Ouais, mais pourquoi c'est maintenant? Vous n'êtes pas plus instruite. Vous êtes encore au bord du salaire minimum. Vous tirez encore le diable par la queue. Pourquoi oui, mais... c'est maintenant qu'il faut en faire? Ben, parce que sinon, puis c'est trop tard, ça va être trop tard. Je puis alors? Ça serait peut-être pas à 40, 45 ans. C'est sûr qu'il y a des gens qui, à cet âge-là, sont encore prêts à avoir des enfants. Mais tout dépend de notre santé, tout dépend quelqu'un qui fait des enfants après 40 ans, c'est un imbécile. Quelqu'un qui fait des enfants après 40 ans, j'aimerais ça qu'il m'explique pourquoi il n'est pas un imbécile. Mais ce que j'aimerais bien savoir, oui. c'est pourquoi ça devient nécessaire de faire un enfant? Parce qu'on a l'impression qu'il manque quelque chose dans la vie, peut-être. C'est sûr oui, il vous manque un diplôme, puis il vous manque une bonne job. Ben, c'est certain, je pense. Ben non, il vous manque un diplôme, vous n'allez pas le chercher, il vous manque un enfant, vous le faites, c'est parce que c'est plus facile de s'envoyer en l'air puis de faire un enfant que d'aller se chercher un diplôme de cégep, hein? Oui, mais écoutez, M. Arthur, on l'a désiré, cet enfant-là. Oui, pourquoi vous l'avez désiré? Ben, parce que on avait l'impression que... moi, je me dis, on peut pas partir de la Terre si on n'a pas quelque chose en arrière de nous qui va grandir. Puis, tu sais, je veux dire, c'est l'évolution. Vous voulez laisser une trace? Peut-être, oui. C'est ça. En espérant que... C'est raisonnable, ça? Ben, j'imagine... Que... C'est raisonnable. L'animal le fait sans réfléchir. Puisque, par hasard, l'être humain a une réflexion, est-ce que c'est raisonnable? Ben, c'est sûr que c'est la... Si on se reproduit pas, je veux dire, on n'ira pas nulle part, là. Ben, vous n'irez pas nulle part non plus. Vous allez dans le trou, puis votre enfant va aller dans le même trou. Ben, j'espère que mais non. Juste plus tard. Ben, en tout cas... Non, mais regarde, on naît, on souffre, on meurt. Ouais, on commence vrai. À mourir le jour de notre naissance. Vous avez vraiment le goût de partager ce destin-là avec un être humain que vous aimez? Non, mais c'est à nous autres de faire en sorte pour que les choses changent. Non, on va toujours mourir, madame. Écoutez, vous dites, on met un enfant au monde, c'est le condamné à mort de toute façon. Mais, tu sais, tantôt vous disiez, là, on fait des enfants, puis on attend après un gouvernement, puis, bon, le CPE, ainsi de suite. Mais c'est à nous de faire quelque chose. Tu sais, vous nous posez la question, qu'est-ce que vous êtes prêts à faire pour vous révolter? Je veux dire, qu'on a juste arrêté de suivre, d'être des suiveux, puis de se prendre en main, puis de décider, bon, regardez, moi, OK, c'est sûr, on a posé, comme vous dites, un geste égoïste, on a mis un enfant au monde sans avoir de scolarité, ainsi de suite. Mais par contre, on va aller chercher... je veux dire, avec le peu qu'on a, on n'a pas de maison, on n'a pas... Mais je veux dire, le peu qu'on a, l'amour qu'on a donné, l'affection qu'on a apportée à un enfant... Monsieur Arthur, il y en a tellement des enfants qui sont abandonnés. Madame, si vous cherchez des enfants à aimer, allez l'adopter. Ben, vous n'avez pas besoin de créer une autre victime. Ben, vous n'avez pas besoin d'amener quelqu'un dans votre petit univers minable de filles qui n'arrivent pas. On arrive, M. Arthur, mais on peut s'arranger. Ben, on tire le diable par la queue. On n'est pas propriétaire. Bon. On n'aura rien à leur laisser. Non, mais écoutez, c'est sûr qu'il y a des voyages, ces choses-là. On n'a pas deux autres. Non, fait pas. C'est ça. C'est ça. Il va juste passer son temps à l'école à se faire raconter les voyages à Disney des autres enfants. C'est quoi l'idée de mettre des enfants au monde pour qu'ils ne soient pas heureux? Ben, écoutez, M. Arthur, pas heureux, c'est un grand mot. Votre cerveau baignait dans les hormones une journée que votre chum n'a pas été assez homme pour vous envoyer paître. Peut-être. Bonne journée. Merci. J'ai de la misère. Une grand-mère, elle signe, elle dit. Vous le constatez, les parents d'aujourd'hui adaptent leurs enfants à leur rythme de vie et non pas le contraire. Un enfant a besoin d'un horaire de vie régulier pour bien fonctionner. Quelqu'un de mon entourage couche son enfant quand il est assez fatigué et après l'avoir endormi en le berçant car il n'est plus capable de s'endormir autrement. Il dort plus souvent vers 23 heures et plus en suivant la routine de sa mère. Mes enfants ne se sont jamais couchés après 20 heures jusqu'à l'âge de 9 ans pendant les périodes scolaires. Je suis aussi choqué de voir ce que ce petit enfant vit. Et j'ai pu constater que son évolution est légèrement retardée. Les jeunes enfants ont besoin de régularité, qu'on s'occupe d'eux si on veut qu'ils évoluent normalement, ce qui ne se fait pas quand on parque des enfants dans les CPE. Bonne journée. Ça, c'est vrai. Mais au-delà de ça, pourquoi vous faites des enfants? Vous pensez que le Québec, c'est une place où ça vaut à peine d'en créer de plus? Vous trouvez qu'on manque de Québécois? La chose la plus stupide que vous pourriez me répondre, c'est « Ouais, mais là, si je fais pas d'enfants, la race va mourir. Why pis? Why fucking pis? » Il y aura toujours un BS pour en faire des enfants, de toute façon. Pourquoi il faut faire des enfants? Si je vous en supplie, les gars, si vous êtes trop chiens pour vous faire couper le canal famille sans le dire à vos blondes, lisez L'Homme où il pète avant de ressauter au lit. Je vous en supplie. Votre femme est déraisonnable. Les hormones baignent son cerveau. Quand ça commence, elle se possède plus. Puis vous, qui êtes censé être raisonnable, vous avez tellement besoin d'un moment pour vous torcher que vous allez lui faire cadeau de quoi vous allez lui faire un polichinelle dans le tiroir juste pour la garder. Et ça va probablement scraper votre couple en plus. Je m'en vais sur la corde raide. Je le sais, je suis le seul au monde à penser ça. Puis vous êtes probablement c'est tout à votre honneur de vous méfier de moi quand je parle de vin. Mais avez-vous remarqué que quand on talonne les gens, pourquoi vous faites des enfants, on arrive toujours à des réponses d'imbéciles? Oh ben, parce que c'est maintenant ou jamais. Oh ben, j'avais l'impression que je sentais ça comme un besoin. Faut se reproduire, hein? Pissenlit pense la même chose que vous.